Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. César ne nous dit pas tout dans la guerre des Gaules, loin de là. Mais que se passe-t-il après, durant ces décennies entre 50 et 30 avant notre ère, où la Gaule n'est plus indépendante, mais loin d'être encore romaine? Les textes ne nous disent rien, l'archéologie un petit peu plus. C'est notamment le cas du Mont Castel, cette vaste colline dominant la Manche et le village de Port-en-Bessin, où Jean-Paul Guillaumet du CNRS et Anthony Lefort de l'INRAP viennent d'entamer des fouilles. Pour en savoir plus sur ces temps obscurs, je me suis rendu sur le terrain. Anthony Lefort, chez quelle tribu gauloise sommes-nous ici? Alors à l'époque romaine, on se trouve sur la cité des Baiocas. Pour la période de l'âge du fer, c'est un peu plus problématique, puisque César, dans son récit de la guerre des Gaules, n'en parle pas. En dépit de toutes les mentions qu'il fait, hein, il énumère toutes les cités armoricaines qui se révoltent autour de la bataille navale des Vénètes notamment. Et à aucun moment il fait mention des Baiocas, que ce soit en peuple allié ou ennemi. Donc soulève la question de leur origine. Est-ce que ce ne serait pas simplement une création liée aux réformes d'Auguste, alors de la réorganisation des Gaules? C'est la question qui se pose. Donc les Baiocas n'existaient pas dans ces cas-là. Qu'est-ce qui aurait pu exister? D'autres tribus, peut-être plus connues, dont c'était le territoire? Et donc il reste les cités mentionnées par César, les plus proches, hein, les Lexoviens, autour de l'oppidum de Saint-Désir au Castellier à Lisieux, qui sont cités notamment à l'occasion de la révolte, hein, contre le Sénat lexovien qui était pro-romain et donc qui a été massacré pour rejoindre la Confédération armoricaine. Il reste les Unelles, donc les Lexoviens à l'est, les Unelles à l'ouest, et puis les Aizuviens au sud. Voilà ce qui reste. Alors les Lexoviens, c'est assez intéressant parce que, d'après ce que vous me dites, les élites sont pro-césariennes, sont déjà du côté des Romains, tandis que les manants restent pro-gaulois. Et bien sûr, on peut penser que les élites adhèrent déjà au pouvoir de Rome. Oui, absolument. Alors on le voit déjà d'un point de vue numismatique, puisque la cité lexovienne émet déjà des bronzes, qu'on appelle donc des bronzes lourds à l'aigle. Et l'aigle, simplement parce que c'est sur le revers de la monnaie, on voit un aigle brandi en étendard, d'un style tout à fait romain, et des légendes, avec des titulatures notamment, pour justement les magistrats en charge de l'émission monétaire, et la mention également du Sénat. Alors cette mention du Sénat, elle est relayée notamment dans le texte de César, puisqu'il mentionne justement l'épisode durant lequel le peuple se soulève contre le Sénat qui est, durant la guerre des Gaules, pro-romain. Jean-Paul Guillaumet, rien à voir avec les Éduins, enfin une grande tribu. Oui, rien à voir avec les Éduins, mais ce sont quand même des Celtes. C'est des Celtes moins connus, ou des Gaulois moins connus, donc ce qui est encore plus fort intéressant. Et c'est pour ça aussi que c'est très important qu'il y ait eu, par Anthony Lefort, un travail un peu qui reprenait tout ce qui existait dans cette région. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur le Mont Castel, puisque ça a été un des sites qui l'a réveillé, je dirais. Alors le Mont Castel, pourquoi les Gaulois se sont-ils implantés ici? Quels étaient les réels avantages? Pour les Gaulois, à proprement parler, pour le moment on les cherche. À partir de l'ouverture qu'on a déjà pratiquée actuellement, on a pour le moment essentiellement du militaire romain, manque les civils pour le moment. Mais l'hypothèse de départ, c'est qu'on est sur un oppidum à vocation maritime, donc doté d'un port qui se trouve à ses pieds, qui est aujourd'hui occupé par le port de pêche. Et donc un port qui est tourné sur le commerce transmanche, donc avec les côtes notamment de l'île de Wight, du Hampshire, du Dorset, qui nous font face. Donc l'idée, c'est qu'on serait sur un site d'un intérêt économique assez important avant la conquête, qui aurait justifié finalement la mise en place de contingents pro-romains sur l'oppidum à l'issue de la conquête. Et ça, c'est un phénomène de toute façon qu'on commence à repérer, hein, dans l'ensemble de la Gaule. On pense notamment aux des sites comme Coran, ou le Tittelberg, ou encore les sites comme la chaussée de Tirancourt. Donc tous les camps, hein, qu'on trouve, les camps augustins de la vallée de la Somme, qui sont là justement dans le but de pacifier les cités fraîchement acquises. Vous me dites, le Gaulois, on le cherche. Le Gaulois, on en a trouvé bien avant vous. Le site a été, paraît-il, à maintes fois pillé et quantité de monnaies gauloises en sont sorties. Et oui, bah c'est grâce au pillage en fait, hein, qu'on a pu révéler le site, hein, notamment puisque les services de l'État n'étaient pas encore alertés de ce phénomène-là. C'est-à-dire que le site a été mis en culture dans les années 2000, labouré. Et à cette occasion-là, il y a eu une équipe de prospecteurs clandestins qui ont mis au jour des centaines et centaines de pièces de monnaie gauloises. Et des monnaies qui appartenaient à des émissions de toute la Gaule, depuis les oboles de Marseille jusqu'au Quinère de la fameuse zone du denier gaulois, hein, dans le centre-est, on pense notamment à Bourgogne-Franche-Comté, des Quinères notamment de Togirix, qu'on retrouve justement sur les sites occupés par les troupes d'auxiliaires gaulois au sein de l'armée romaine. Et donc c'est grâce à ce désastre, hein, qu'on a quand même pu prendre conscience de l'intérêt de ce site-là. Mais c'était pas gagné, parce que quand on parle d'un faciès qui regroupe tous les monnayages de la Gaule, dans une région où généralement on ne trouve pas de monnaie, ça pose des questions à savoir si justement la fiabilité de ces sources-là et les ouvertures qu'on a fait jusqu'à présent permettent de considérer vraiment ces données-là, puisqu'on retrouve les mêmes monnaies. Et notamment, pas plus tard qu'hier, on vient seulement de finir le décapage et on a déjà trouvé la première obole de Marseille en contexte. Donc une obole de Marseille sur un site bas normand, elle a quand même fait pas mal de chemin. 1000 km à peu près. Jean-Paul Guillaumet disait que vous aviez redécouvert le site. Le site n'était pas connu au 19e siècle ? Alors si, il était mentionné comme par Arcis de Caumont, comme un site qui a pu être fortifié par un rempart. Et il regrettait justement le fait que, déjà à l'époque, des carriers avaient déjà récupéré des gros blocs de calcaire, surtout le pourtour du plateau. Quelques années plus tard, hein, lors des différents inventaires qui ont été faits sur toutes les fortifications de Basse-Normandie, le site a été successivement, jusqu'aux années 90-2000, considéré comme un potentiel site de hauteur fortifié ou non. Et donc c'était justement l'enjeu des sondages qu'on a fait en 2010 maintenant, qui ont permis de révéler d'une part la présence d'un rempart, donc les deux remparts superposés, un du bronze final 3B et un autre potentiellement de la tène finale. Et à l'arrière de ce rempart, on avait pu mettre au jour un cellier dans lequel on a trouvé de l'armement romain. Jean-Paul Guillaumet, Anthony Lefort nous parle de la tène, nous parle de l'âge du bronze ancien. Chronologiquement, ça correspond à quoi tout ça, en date? On va dire qu'en occupation, on est entre moins 1000 et moins 800. Ensuite, là, depuis hier, on a trouvé ce qui semble être un rempart qui serait plutôt vers 450, c'est-à-dire la tène 1A. Et disons le reste du matériel, qu'on regarde les numismatiques et puis le matériel divers métallique, on serait, disons, après la conquête, moins 30. Donc, comme a dit très bien Anthony, notre problème est qu'est-ce qui se passe aussi dans ce trou de 4 siècles. Anthony Lefort, le Mont Castel, nous sommes dessus. Ça se présente comment, globalement? Ici, du côté sud, on domine une grande plaine déjà. C'est une situation topographique assez particulière, puisque le Mont Castel se trouve au fond d'une vallée qui est fermée par un ensemble de reliefs, une vallée qui fait à peu près 400 hectares, au fond de laquelle on trouve le Mont Castel, donc l'oppidum, et à l'entrée de cette plaine, on trouve un autre éperon qui s'appelle l'éperon du Mont Cavalier, et qui se repère encore assez facilement dans le paysage puisque son rempart atteint encore une élévation de 8 à 10 mètres. Et il y a eu des sondages qui avaient été pratiqués il y a à peu près 10 ans par Pierre Giraud et qui avaient révélé justement la contemporanéité de ce site-là avec le site qu'on est en train de fouiller actuellement. Donc on est peut-être dans un schéma un peu complexe avec deux forteresses, deux villes qui se font face. Alors parler de ville pour le moment c'est encore assez délicat hein, puisqu'on cherche encore les civils, mais on a un ensemble multipolaire, ça c'est évident. Et justement le pôle le plus important ce serait le Mont Castel, on est à peu près à 17 hectares de surface, sachant que la falaise s'érode pas quotidiennement hein, mais tous les ans hein, on perd des pans de falaise, on a perdu à peu près 50 mètres depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça vous laisse imaginer justement la perte qu'on a depuis 2000 ans. Et on peut estimer raisonnablement qu'on a à peu près un oppidum qui fait à peu près une trentaine d'hectares. Ce qui est finalement dans la région assez normal, puisque l'oppidum des Bayocas, entre guillemets, puisqu'on ne connaît toujours pas le nom de la cité gauloise avant la conquête, c'est l'oppidum du Castillon. Et celui-ci fait à peu près 35 hectares. Alors il faut le dire, donc une plaine du côté sud et puis du côté nord, la mer tout simplement, et donc aucun rempart de ce côté-là. Ça, on ne pourra pas le savoir. De toute façon, il n'y en avait pas l'utilité, parce qu'on a vraiment un à-pic hein, d'à peu près 50 mètres. Et en face de nous, l'Angleterre. Voilà. Vous avez combien de mètres, centaines de mètres, kilomètres de remparts sur cet oppidum, sur cette forteresse gauloise ? Donc, de conserver, on a justement la partie restante du plateau, qui est à peu près 1,5 km de remparts linéaires. Oui. Jean-Paul Guillaumet, 1,5 km, c'est beaucoup en linéaire de remparts pour une cité gauloise ? Je crois qu'on a voulu faire des critères un peu trop savants, c'est-à-dire qu'on disait tant qu'il n'y a pas de tant de kilomètres, tant qu'il n'y a pas de tant d'hectares, il n'y a pas de Gaulois. Et le phénomène est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'actuellement on a plutôt une révision justement de ces schémas anciens, comme on a eu une révision dure et d'une efficacité terrible qui a été sur les fermes. Au début, on pensait que toutes les fermes étaient semblables et on se rend compte qu'il y a des modèles très complexes depuis la villa, le château, on peut dire, avec sa part rustique, sa part d'agriculture, et puis la petite ferme perdue. Et on a sans doute aussi des modèles qui sont beaucoup moins rigides que ceux que l'on a mis au point dans les années 50. Bibracte, le Mont Beuvray, c'est combien de kilomètres de remparts ? Alors en tout, c'est compliqué parce qu'il y a deux remparts pour le moment. Il n'est pas prouvé qu'on n'en trouve pas d'autres. On est à 135 hectares et 200 hectares. Donc on est à, je crois, si mes souvenirs sont juste 3,5 km et 7 km. Donc on est là dans une énormité. Mais une énormité aussi qui correspond à une véritable ville et aussi à un peuple qui est sans doute beaucoup plus puissant, beaucoup plus proche aussi des influences romaines et donc des influences de la notion de ville. Et la notion de ville aussi, quand ça apparaît, bon, ça devrait apparaître au deuxième avant. Mais avant, on n'a pas seulement des fermes, maintenant on a des agglomérations au troisième, quatrième, donc qui posent de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que petit à petit, on avance et on trouve que la société est très organisée très tôt et que ce n'est pas des tribus qui se promènent et que le maillage est beaucoup plus complexe qu'on aurait pu penser. On a des oppidums, ou des oppidas devrait-on dire, avec quelquefois quasi pas de remparts. Coran, c'est quand même une grosse agglomération, semble-t-il pas de remparts ? Coran est-il un oppidum ? C'est une question que moi personnellement je me pose, j'en discute avec Mathieu Pou qui me regarde d'un oreille, mais je pense qu'on peut aussi avoir des domaines aristocratiques qui sont sur des plateaux et qui donnent l'allure d'un oppidum, mais qui n'ont peut-être pas exactement la même structure. Mais c'est assez passionnant, parce que c'est vrai que l'on est complètement... on renouvelle tout, c'est-à-dire donc il faut repenser, revoir et se battre entre nous, gentiment ou pas toujours gentiment, pour sortir de nouvelles idées et les vérifier. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Dans le Paris Bayeux, j'ai lu La Guerre des Gaules, par force, et j'ai relu La Guerre des Gaules, et j'y découvre que les remparts gaulois s'appellent le Murus Gallicus. Alors, est-ce que nous avons affaire sur ce mont Castel à un Murus Gallicus ? Pour le moment, on ne peut pas encore vraiment le dire, hein. On pense pour le moment non. De toute façon, le rempart gaulois, il obéit à différentes adaptations locales. Et ici, on a quand même un rempart qui a de l'allure. Hein. Là, dans l'état de la fouille, hein, encore une fois, on a commencé il y a 3 jours, on est en train de chercher les traces d'une éventuelle armature en bois à l'intérieur de la masse de terre qui est retenue par les deux parements. Et donc, pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer, mais on ne serait pas sur un Murus Gallicus, on serait sur un Murus d'un rempart d'un autre type, mais assez élégant quand même. Donc, on peut penser qu'il y a 2000 ans, de loin, on voyait ce rempart, dont il ne reste aujourd'hui que peut-être, allez quoi, 4, 5, 6 assises ? Oui, alors du coup, le rempart, hein, pour se faire une idée, hein, si les gens viennent visiter le Mont Castel dans l'espoir de voir le rempart gaulois, vous verrez un bourrelet de terre de 30 cm d'élévation. C'est uniquement quand on l'ouvre avec une pelle mécanique qu'on se rend compte qu'il y a une élévation d'à peu près 1,70 m, mais cette accumulation d'1,70 m comprend 3 remparts empilés. Et puis pour la visibilité dans le paysage, évidemment, hein, là il domine une pente à 45 degrés qui fait 50 mètres de haut. On a la plaine qui se développe au pied et un parement en calcaire avec une terrasse, des terrasses aménagées en aval du rempart dans la pente qui faisait justement ressortir le calcaire du sous-sol, et on devait avoir quelque chose d'assez ostentatoire et visible. Sans pour autant, justement, avoir un rempart qui fasse 10 mètres de haut. Hein. On n'est pas forcément dans un truc vraiment monumentale à ce point-là, mais vraiment une volonté d'ostentation, ça c'est évident. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Port-en-Bessin serait bien sûr un port. On peut penser donc que Port-en-Bessin était un port gaulois. On n'a jamais réellement fouillé de port gaulois. Ben non, alors ça c'est une problématique que nous, continentaux, hein, de manière générale, on n'a pas trop abordé, puisque... On a souvent la tentation, même systématiquement la tentation de regarder ce qui se passe dans le bassin méditerranéen vers le sud, de manière évidemment à avoir des repères chronologiques, puisque quand on a des importations méditerranéennes, on peut les rattacher au calendrier de ces sociétés-là, hein, notamment grecques et romaines. Et donc c'est ce qui a été fait, la démarche qui a été privilégiée, notamment avec l'essor de l'archéologie, et puis durant tout le début du XXe siècle, toute la fin du XIXe et tout le début du XXe. Alors que quand on traverse la Manche, bah, évidemment, les Britanniques ont eu la même démarche, regarder vers le sud, pour trouver des repères chronologiques, et donc eux, fatalement, se sont, par obligation, intéressés à ces phénomènes d'échange transmanche, donc d'import-export à travers la Manche. Alors que nous, bah, finalement, on tourne le dos à cet espace maritime. Donc, quand on commence à se pencher sur la question, on commence à trouver ces sites-là. Et donc, Port-en-Bessin était vraisemblablement impliqué, hein, dans ces réseaux d'échanges. Et il y a d'autres sites, par exemple en Bretagne, hein, on a repéré, notamment peut-être à Saint-Malo et au Yodé, donc des sites fortifiés, comme on peut appeler des oppidas, qui se trouvent en fond d'estuaire, qui sont interprétés comme des sites portuaires. Il y a d'autres sites qui sont beaucoup moins faciles à repérer. Ce sont des sites littoraux, comme celui que je fouille notamment à Urville-Lacville, dans la Manche, à une dizaine de kilomètres de Cherbourg, qui consiste uniquement en une plage d'échouage. Donc ça, évidemment, la démarche est complètement différente de celle qu'on a adoptée à Port-en-Bessin, puisque Port-en-Bessin, on a promené nos yeux sur une carte, on a vu un relief qui ressemblait fort à un oppidum, et on a tenté l'aventure et ça a payé. Des sites comme Urville-Lacville, d'un point de vue topographique, si on n'a pas de billes de découverte ancienne par exemple, ou de découverte fortuite qui peuvent présager d'un site, d'une occupation sur place, c'est pas évident. C'est ce fameux site que vous fouillez en plus de celui donc, du Mont Castel, et c'est ce site que vous fouillez à marée basse, oui. Et qui est réinvesti par la marée ensuite. Oui, alors c'est un site particulier puisqu'il se trouve donc sur l'Estran, donc sur le domaine public maritime. Alors les gens, quand ils viennent voir les fouilles, ils sont assez étonnés. Ils nous disent « Ah, mais c'est là qu'on posait nos serviettes ». Finalement, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un village gaulois ou encore moins un cimetière gaulois. En tout cas, moi j'interprète comme une agglomération littorale à vocation portuaire qui est dotée donc, d'un pôle artisanal qu'on fouille donc maintenant depuis 6 ans et d'un espace funéraire dans lequel on a pu mettre au jour plus de 120 sépultures. 120 sépultures et un boomerang. Et le fameux. Et le fameux boomerang, de quoi s'agit-il ? Alors, le fameux boomerang, il s'agit d'un bâton de jet, hein, pour être plus précis, puisque le boomerang, par définition, doit avoir la propriété de revenir au lanceur, alors que le bâton de jet, il n'est pas obligé de revenir. C'est une arme qui est universellement connue sur tous les continents, à toutes les époques. Et pour les plus sceptiques, hein, on en retrouve des représentations dans des tombeaux égyptiens, et Toutankhamon, dans Séviatique, avait été accompagné d'une caisse dans laquelle on avait retrouvé 40 boomerangs, bâtons de jet. Et boomerang, puisque les expérimentations ont montré que certains avaient la propriété de revenir. Et donc c'est une pratique cynégétique qui renvoie à l'aristocratie, enfin en tout cas à des pans privilégiés de la société celtique, qui ont donc le loisir de pratiquer la chasse et le droit. Et ça c'est assez marrant, puisque sur le site d'Urville, ben, la présence de cette population privilégiée, on la sent notamment à travers la présence d'importations méditerranéennes et de monnaie en or, par exemple, en tout cas de pièces de chars, de harnachements équestres. Donc on sent qu'on a une population privilégiée. Et pour en revenir à la chasse, justement, au boomerang, on vous dit sur certaines sépultures égyptiennes, on a des fresques qui représentent des scènes de chasse aux oiseaux dans les marais du Nil. Et justement, bah, Patrice Méniel, qui réalise l'étude donc archéologique des ossements animaux, a pu mettre en évidence plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques, comme notamment le fou de Bassan, le grand pingouin, le petit pingouin, la bernache, le canard plongeur, enfin tout un cortège d'oiseaux aquatiques qui auraient pu finalement avoir été chassés avec le boomerang. Donc ça, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y avait avec ce boomerang ? Ce bâton de jet, devrait-on dire ? Alors ce bâton de jet, il pose plusieurs problèmes quant à sa déposition. On l'a retrouvé dans un fossé. Je pense qu'on a affaire à un dépôt volontaire. Il était posé sur une paroi d'un fossé de manière à être visible de l'intérieur de l'enclos qui était dépourvu de talus. Hein. Et à un mètre de ce dépôt, on avait un second dépôt de côte de baleine. Alors la baleine, c'est un animal qui est assez rare sur les sites archéologiques. Hein. Et là, on a plusieurs côtes de baleines. On a retrouvé un peu plus en retrait dans l'habitat les restes de vertèbres cervicales. L'ensemble de ces ossements appartiennent vraisemblablement au même animal. Et pour le moment, on privilégie l'hypothèse de l'échouage, simplement. Et c'est assez marrant parce que ces ossements ont été travaillés. En fait, on voit qu'ils ont récupéré donc tout ce qui a pu être récupéré. Hein. La baleine, c'est comme le cochon, tout est bon. Donc on a les traces de découpe, de prélèvement, puisque même l'os a été débité en plaquettes pour fabriquer des objets. Revenons donc à la côte normande et à ce site du Mont Castel où nous sommes aujourd'hui. Le Mont Castel pouvait éventuellement contrôler des flux commerciaux et bien sûr avec les îles britanniques. Quel était ce commerce ? Pour ce qu'on en sait d'après les sources antiques, hein, on se réfère à la liste de Strabon qui mentionne l'importation sur le continent de matières premières et d'esclaves, donc de main-d'œuvre et de matières premières essentiellement. Et pour les productions manufacturées, elles sont vraiment exceptionnelles sur le continent, tout simplement parce que ça doit être une question de reconnaissance typologique, simplement dans un premier temps, mais également un critère de goût, simplement. Hein. On n'a pas forcément envie d'importer des miroirs à l'anglaise sur le continent, alors qu'on en fabrique également très bien. Je dis le miroir parce que dans la forêt de Compiègne, et Jean-Paul en avait publié un notamment dans l'Oise, on avait un fragment, un manche de miroir de type britannique. Mais ces objets finis, manufacturés, on les retrouve, ils sont vraiment exceptionnels sur le continent. Moi j'ai fait un inventaire, on en est à une vingtaine simplement. Donc essentiellement de la matière première et de la main-d'œuvre, ce qui est très difficile d'un point de vue archéologique à mettre en évidence. C'est le plomb britannique est très important. Bah, notamment le plomb qui est destiné à être fondu. Hein. Donc comment on peut retrouver, à moins d'avoir le lingot estampillé éventuellement, mais là dans les sociétés, notamment à l'époque d'Urville-Nagville, hein, entre 120 et 80 avant notre ère, on ne va pas avoir de lingot estampillé. Et c'est assez marrant, puisque sur le site d'Urville, on a pu mettre en évidence des grains de plomb qui ressemblent à des plombs de chasse, hein, simplement, et donc qui renseignent sur un potentiel transport du plomb en sac sous forme de grains. C'est pas sous cette forme-là qu'on imagine le plomb transité, hein, de manière générale. On pense aux grosses barres de plomb. Donc on peut parler du plomb, on peut parler, donc évidemment, dans la liste de Strabon, des chiens de chasse, les peaux, le bétail, les céréales, les métaux de toutes sortes, le plomb, l'or, le fer également. Que, voilà, mais ce sont des objets qui ne laissent pas de traces archéologiques. Votre grande découverte, c'est sans nul doute du mobilier militaire et pas n'importe lequel. Oui, alors la présence militaire sur le site de Port-en-Bessin, on l'a supposé déjà à l'issue de la campagne de sondage qu'on avait fait en 2010. Elle repose sur la présence d'un trait de scorpion. Le trait de scorpion, c'est de l'artillerie romaine, inconnue dans l'armement gaulois pendant la guerre des Gaules. Alors, ajoutez à ça le faciès monétaire qu'on a sur le site, essentiellement du kinaire en argent, qui appartient à des émissions de la zone du denier gaulois, hein, donc notamment les kinaires séquoines, notamment, et les oboles de Marseille aussi, qui donc étaient utilisés pour payer la solde des troupes auxiliaires gauloises. Vous dites troupes auxiliaires, donc ça aurait été éventuellement une légion romaine s'installant ici avec Gaulois romanisés avec eux ? Pour le moment, on n'en sait rien, on n'en est vraiment qu'au début, mais en tout cas, la présence militaire, elle fait guerre de doute, puisque là, encore ce matin, on a sorti un clou de chaussure de fantassin. On a la pointe de glaive, on a pas mal de monnaie liée à... qui correspond au faciès qu'on retrouve sur les camps militaires de la Somme notamment. Donc voilà, on la suppose assez clairement. Et puis ajouter à ça le plan de bâtiment qu'on a sorti dans cette fenêtre, puisque là on est en train d'en ouvrir une seconde, qui correspond, première vue, à un plan de baraquement, comme on peut en voir dans certains camps romains, notamment à Strasbourg ou d'autres. Vous me parliez de scorpion, de cette arme, c'est le principe de la baliste, c'est ça ? Une sorte de gros trait que l'on lance Oui, alors bah, en fait oui, c'est ça. Alors la baliste, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est plutôt une catapulte où on catapulte des boulets de pierre. Et le scorpion, lui, c'est un trait comme un carreau d'arbalète, hein, parce que ça n'avait pas été évident de l'interpréter comme un trait de scorpion dans une région où on considérait que la pacification romaine s'était faite sans heurts. Dans toutes les synthèses jusqu'à présent... on dit la pacification, elle s'est faite vraiment sans heurts. Et donc, on n'est pas habitué à ce type de mobilier. Et donc, on n'a pas commencé à regarder tout de suite dans l'armement romain, évidemment. C'est au contraire, en la montrant à un collègue Parce que quand on l'a sorti au départ avec la gangue de corrosion, etc., on pensait, bon, bah, c'est un talon de lance, super, on est près du rempart, c'est normal, talon de lance gaulois. Et puis, justement, Vincent Carpentier qui, qui voit ça et qui dit, bah, c'est un carreau d'arbalète votre truc. Et en fait, c'est là que je me suis dit, oulala, puisque le contexte était certain, 100%, et donc là, je commençais à me dire, tiens, on va peut-être regarder dans les planches de mobilier militaire romain, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est bien sûr le mobilier que l'on voit dans le film Gladiator durant les trois premières minutes. Hein. Alors c'est très intéressant parce que Oxulodunum, c'est l'ultime bataille de la guerre des Gaules. D'ailleurs, elle n'est même pas écrite par César, hein, mais par un de ses secrétaires. Et c'est là où donc une sorte de révolte où les Gaulois vont avoir les mains coupées. On pense à 2000 mains coupées. C'est à peu près ça, Oxulodunum ? Oui, c'est tout à fait ça. Mais dire que c'est la bataille finale, finalement, c'est un petit peu grossier étant donné qu'on ne connaît pas encore vraiment la période qui sépare la conquête de la guerre des Gaules et les réformes d'Auguste. C'est-à-dire que entre donc durant ces 20-30 ans, il faut imaginer que la Gaule, c'est comme l'Irak, hein, ça c'est pas moi qui l'invente, hein, Christian Goudineau a longtemps disserté là-dessus, Mathieu Pouf travaille également sur la question. Finalement, le gros de l'armée se retire pour retourner donc sur les rives de la Méditerranée et laisse le champ libre à tout un tas de révoltes possibles. On se rend compte que la guerre n'est peut-être pas finie finalement, alors que il faudrait attendre les années vraiment 27 pour que Auguste remette la main. Donc déjà légitime son poste à Rome, règle les problèmes qui ont suivi, hein, toute la guerre civile finalement, toute la fin de la guerre civile, laisser le champ libre en Gaule, hein, tout un tas de révoltes qui ont échoué finalement. Est-ce que l'on peut vraiment reconstituer l'affrontement qui a dû, dans ces cas-là, se passer à 5 mètres d'où nous sommes, au pied des remparts ? Alors, il n'est pas dit qu'il y ait eu affrontement. Là, on se trouve sur un site avec une occupation militaire romaine, mais elle peut simplement relever de l'ordre du contrôle. On est sur un site, si on ne se trompe pas, c'est un site stratégique d'un point de vue économique, un port de commerce tourné vers l'Angleterre. Alors quand on lit le texte de César, on sait qu'il y a eu des contingents bretons qui ont combattu auprès de troupes gauloises. Et là, on serait sur une occupation qui aurait simplement le but de pacifier. Donc là, on a une Gaule à feu et à sang, avec un envahisseur qui finalement est là sans être là, qui a des affaires à régler à Rome notamment, d'où justement l'intérêt pour l'envahisseur en question, Rome, de laisser des contingents sur des emplacements stratégiques pour justement pacifier, contrôler les cités fraîchement acquises. C'est un petit peu ça l'idée. Donc affrontement ici dans la plaine de Pont-en-Bessin, c'est pas dit. Sachant qu'au vu des monnaies qu'on a, on serait vraiment sur un site qui ne serait pas impliqué directement dans la guerre des Gaules, mais vraisemblablement une décennie ou deux après. On serait dans les années 30 à peu près, avant notre ère. Alors ça c'est principalement la vie de Jean-Paul, je crois. Moi je pense qu'on je suis plus optimiste, je pense qu'on est vraiment immédiatement après, pas longtemps après du moins. Mais bon, ça pour le moment il est trop tôt pour le dire. Hein, ça... En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la guerre des Gaules, bien sûr, s'achève en 52, mais entre 52 et moins 27, le début du moins du règne d'Auguste, l'histoire de la Gaule est totalement floue. Elle est floue parce qu'on n'arrive pas à l'isoler d'un point de vue chronologique. Tant qu'archéologue, par exemple, on se fie sur les évolutions typologiques de la céramique, des fibules, du mobilier métallique de manière générale, on n'a pas de cadre assez précis justement pour pointer du doigt ces périodes-là. Donc évidemment, elle est noyée dans la masse de la fin de l'âge du fer. Là, ici, c'est relativement aisé puisqu'on a du mobilier intrusif romain qui nous permet de le toucher. Mais dans un cadre, un contexte civil, c'est beaucoup plus difficile à pointer du doigt. La semaine prochaine, place à la Chine des Han. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebars, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richaud.